Unité 6, 1 B. A. Ah, bah vous êtes trop mignon. T'es où là? Ben, je suis là à gauche. Ma mère nous mettait dans le parc. Elle nous avait à l'œil comme ça. Ah oui? T'avais quel âge? Ouf, ben écoute, 1 an, je pense. Ah, c'est qui l'autre bébé? Ben, c'était mon super copain Léo. On était voisins, mes parents le gardaient souvent. Du coup, on était inséparables. Ah, c'est chouette. Ouais, ouais. B. Ah, bah dis donc, t'aimais la neige. Ouais, j'adorais faire de la luge. Là, je suis avec mon frère Antoine, je pense que c'était l'hiver 95. On était partis en vacances à Chamonix. Qu'est-ce qu'on a rigolé. Oui, ben, je te reconnais pas du tout. Ben... Qu'est-ce que t'as changé, hein? Ben, j'ai vieilli, hein. Oui, ben, t'étais mignon comme tout, hein. Et regarde cette bouille là-haut. C. Voilà, là, c'est Pâques. Mon grand-père avait caché les œufs au chocolat. Je suis avec mon frère et Carlos. Ah, c'est qui Carlos? Ben, mon cousin. Tu l'as connu l'année dernière pour mon anniversaire. Non, je le reconnais pas du tout. Ben si. Bon, évidemment, moi j'avais 9-10 ans. Et lui devait avoir, je sais pas moi, 7 ans. Ah ouais? Et vous étiez où là alors? Eh bien là donc, on était chez mes grands-parents. Ils habitaient en banlieue parisienne, à la campagne. D. Oh là là, quelle classe! Ben oui, je suis avec Sophie, ma copine. Vous avez l'air amoureux, dis donc. Eh oui, c'est l'amour de ma vie. Elle est vraiment super belle sur cette photo. C'était pour mes 20 ans. Vous êtes où habillé comme ça? Au Paradise, à Cannes. J'avais eu des invitations, c'était une soirée super sélecte. Il y avait plein de gens connus, mais la plus belle, c'était Sophie. Ah, l'amour, l'amour! E. Ah, c'est Sophie là aussi? Oui, oui, c'était au tout début de notre relation. Pff, on est super jeunes. Et pourquoi vous êtes déguisés? C'était carnaval? Non, non, c'était pour le réveillon. Je crois que c'était le réveillon 2004. On avait fait une fête chez les parents de Sophie, comme ils étaient partis en vacances. On avait la maison pour nous. T'as une tête marrante. Et puis, vous formez un couple atypique. Ben ouais, l'Indienne avec un mort-vivant. F. Ah, là, on dirait la Côte d'Azur. Ouais, ouais. J'y suis allé en vacances l'été dernier. T'es où, là? C'est à Toulon, sur le port. Ben dis donc, t'as l'air pensif. Ah oui, la mer, les bateaux, le soleil, ça fait rêver.